Règle 15e. Souvent, il est bon de tracer ses figures et de les montrer aux sens externes, pour tenir plus facilement notre esprit attentif. Il apparaît de soi-même comment il faut les tracer pour qu'au moment où elles frappent nos yeux, leur figure se présente dans notre imagination. Nous pouvons peindre l'unité de trois manières, par un carré, si nous la considérons comme longue et large, par une ligne, si nous la considérons seulement comme longue, et enfin par un point, si nous ne l'examinons qu'en tant qu'elle sert à former la pluralité. Mais de quelque manière qu'on la représente et qu'on la conçoive, nous comprendrons toujours qu'elle est un sujet étendu en tous sens et capable d'une infinité de dimensions. De même, nous représenterons ainsi à l'œil les termes d'une proposition, lorsqu'il faudra en examiner à la fois les grandeurs diverses par un rectangle dans lequel deux côtés seront les deux grandeurs proposées, de cette manière, si elles sont commensurables avec l'unité, ou de cette autre, c'est-à-dire un carré avec une grille à l'intérieur, ou de celle-ci, un rectangle fait avec des points. Si elles sont commensurables, sans rien ajouter, à moins qu'il ne soit question d'une multitude d'unités. Si enfin nous n'examinons qu'une seule de leurs grandeurs, nous représenterons la ligne, soit par le rectangle, dont un des côtés sera la grandeur proposée, et l'autre unité de cette façon, ce qui se fait chaque fois que la même ligne doit être comparée avec une surface quelconque, ou bien par la ligne seule, si on la considère comme une longueur incommensurable, ou de cette manière, une ligne de points, si c'est une multitude d'unités.